les évacue tout ce soir. J'ai passé toute ma journée dans le noir. Tu m'as vexé, moi sans je veux plus te voir. Que tu m'en forces, je vais plus te croire. Je vais danser, j'évacue tout ce soir. J'ai passé toute ma journée dans le noir. Tu m'as vexé, moi sans je veux plus te voir. Que tu m'en forces, je vais plus te croire. Je suis au-dessus toute la semaine. Je mets le miel sur les mtemen. J'en ai sous la semelle. Se mêle. Il a pris une gifle, c'est mauve, parce qu'il a pas retenu ses mots. Maintenant, ça veut lui niquer ses morts. Et c'est couche lui qui se mêle. Je fais des gros fumigènes. Tu sais que j'ai fumé jeune. La musique dans les gènes. Et dites-moi si je vous gêne. Mon sang, il fait le ramadan. 21 à son jeune. Je vois que ça fait le signe du en photo. Obligé de mettre un j'aime. Cet été, je suis à Monaco. Piscine vue sur la mer et la ville. Le soleil il frappera sur la peau. On logera la côte en bateau. Je vais danser, j'évacue tout ce soir. J'ai passé toute ma journée dans le noir. Tu m'as vexé, mon sang, je veux plus te voir. Que tu m'en forces, je vais plus te croire. Je vais danser, j'évacue tout ce soir. J'ai passé toute ma journée dans le noir. Tu m'as vexé, mon sang, je veux plus te voir. Que tu m'en forces, je vais plus te croire. C'est miné, ils ont chargé les minots. Je pouvais pas deviner que certains allaient partir si tôt. Et ce soir je vais me bider, je vais faire du son de la cité. Chaque fois on me dit qu'il y a une couille, ouais, preuve everyday. Mon amour elle me casse le cœur quand elle me dit que ça va pas. Ça va pas, sache que je serai toujours là, toujours là. Je vais danser, j'évacue tout ce soir. J'ai passé toute ma journée dans le noir. Tu m'as vexé, mon sang, je veux plus te voir. Que tu m'en forces, je vais plus te croire. Je vais danser, j'évacue tout ce soir. J'ai passé toute ma journée dans le noir. Tu m'as vexé, mon sang, je veux plus te voir. Que tu m'en forces, je vais plus te croire. Je vais danser, j'évacue tout ce soir. J'ai passé toute ma journée dans le noir. Tu m'as vexé, mon sang, je veux plus te voir. Que tu m'en forces, je vais plus te croire.